sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvue, l'émission Trihando à Pergen 382. Voilà, tout est dit. Quel mot on voit, Henri, alors? Alors aujourd'hui, c'est Kimiat. Kimiat, qu'est-ce Kimiat. Que ça veut dire? Alors, toi qui chantes, tu dois savoir ce que c'est, non? Kimiat, c'est, ça veut dire le revoir, l'adieu. Le congé aussi, quand on prend congé, quoi, kimiat. Donc c'est un mot masculin, donc avec l'article, on aura la mutation kas et apostrophage, ça donne himiat. Alors, l'origine du mot est un peu obscure, hein. Selon Albert Dehay, ça viendrait d'un mot latin, hein, du bas latin, comeatus, qui signifiait en fait des provisions pour le voyage. Je suis pas très convaincu par cette histoire-là. Enfin bon, peut-être bien. Ma tresse est noire. Et alors, ce mot a donné aussi, comme souvent, un verbe, hein, kimiadin, qui est prendre congé, hein, dire au revoir. Et c'est un mot qui est un peu cérémonial, quoi. On l'emploie pas très couramment, hein, pratiquement. C'est par exemple, c'est plutôt quand on va avoir une absence assez longue. Hein. Par exemple, il y a beaucoup de chansons Kimiador Zurdar Yowang. Hein. Ah oui, voilà, pour les gens qui partent à l'armée. Quoi. Qui partent à l'armée, par exemple, hein, ou Kimiador Plar Yowang. Hein. Autrefois, on chantait le Kimiad dans une noce. Quand les noces étaient chantées, on chantait le Kimiad. Hein. Et rue et Huls Bremen et Vidon de Regi. Huls de Guitad Mezi, âme famille Karek. Et vie mon d'ortillégues du hond de Guernévé. Et vie mon d'ortillégues gant d'enlevé me briotte. Et valniwa promettet péwembe dimézot. Donc il y avait des chanteurs, hein, comme Pierre Le Tertre, hein, je sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler, qui chantait le Kimiat avant de quitter la maison de la mariée. Pour dire au revoir à la famille. Quoi. Pour dire au revoir à la famille, surtout quand la mariée partait habiter ailleurs, quoi. Et cet air-là a été repris par les clarinettistes, hein, quand on est passé à la clarinette, et c'est quelque chose qui joue encore. On a appelé ça l'air pour faire pleurer la mariée. ça a été rajouté après, hein. C'était bon, ben c'est vrai que ça dégage une certaine émotion, quoi. Voilà. Donc ça c'est le kimiat donc de la jeune mariée. De la jeune épousée, et on a souvent aussi des chansons pour des jeunes qui partent à l'armée. Alors par exemple il y a une chanson là qui a été écrite par Jean-Marie Coutelec. Alors Jean-Marie Coutelec, c'était un homme de Trébrivent, hein, donc qui est né en 1838 et qui est mort en 1910. Et donc, il a écrit une chanson qui est donc qui s'appelait Kimiadou d'ailleurs, c'est-à-dire au pluriel, hein. Kimiadou, Orvartelo de Sbreis, hein. Et donc, cette chanson a été reprise en Kanadiskan, et elle est chantée par les frères Morvan sur l'un de leurs disques. Alors, c'est très intéressant de comparer donc les paroles de la chanson d'origine, qui est un camp de Beauce. Avec les paroles du... Parce qu'évidemment, pour la passer en Kanadiskan, il a fallu la torturer un petit peu. Et ce serait très intéressant de faire une analyse des deux textes. Hein. Les deux textes sont très proches. Hein. Les frères Morvan ont une très bonne mémoire. Donc, les deux textes sont très proches, mais le texte a été adapté pour le rythme, pour la danse. Pour arriver, ouais. Alors, dans le disque Fesdons au bois de colle, là, donc... c'est le troisième air. Hein. C'est quoi? C'est un ficelle? C'est une suite pline. Hein. Ah, pline. C'est un pline, c'est le ton de double du pline, quoi. D'accord. Et donc, alors ils en chantent qu'une partie dans le disque, hein. Mais bon, on a l'air et puis à peu près la moitié de l'histoire, quoi. Voilà. Donc, alors c'est un l'histoire, c'est un un jeune qui est donc qui part à la guerre. En fait, il part en Italie et il est dans la rade de Toulon à ce moment-là et il exprime ses sentiments et voilà. Et donc c'est intéressant. Alors j'avais eu une chance un peu inouïe, c'est de trouver, parce que l'année d'après sa mort, en 1911, donc il y a eu un petit fascicule qui a été publié chez Herbob à Carhaix, mm-hmm. et par sa famille, sur les œuvres de Jean-Maïk Houtelec. Et je l'ai trouvé à Becherel un jour, dans une bouquinerie, quoi, mm-hmm. ce petit opuscule-là. Et donc ça fait partie du patrimoine de Trébrivent. Et alors, ce serait très intéressant de comparer les deux textes et de voir aussi comment on passe d'un texte un peu savant, par exemple avec des passés simples et des choses comme ça, à un texte plus populaire où les passés simples sont remplacés par des passés composés. Enfin, il y aurait toute une étude. Peut-être qu'un jour, un étudiant fera sa thèse là-dessus. Et est-ce que c'était autobiographique, alors? Ah oui, c'est autobiographique. C'est lui qui est... C'est lui-même. Hein. Mmh. Alors, il est ce Jean-Maïk Houtelec, là, il a fait ses études au petit séminaire de Plougarnevel. Et il n'est pas devenu prêtre, il est devenu percepteur. Mmh. Quand on ne devenait pas prêtre, on devenait percepteur. Et il a fini sa vie à l'Oudéac. Hein. Il a été nommé dans plusieurs villes en France, hein, bien sûr, comme beaucoup de fonctionnaires. Et il a fini sa carrière à l'Oudéac. Mmh. Voilà. Et il a continué à écrire en breton. Il a écrit aussi des pièces en français, mais qui sont beaucoup moins intéressantes. C'est un petit peu de la poésie pompière, quoi. Bon, en alexandrin. Mmh. Moi, je suis pas très sensible à ça, mais par contre, c'est vrai qu'en breton, il avait une très belle plume, quoi. Voilà pour un Kimiat, hein, Kimiadou. Mmh. Et bon, il y a plein d'autres chansons qui s'appellent Kimiad. Hein. Donc, et l'origine est assez incertaine quand même. L'origine du mot, quoi. Voilà, et ben on va se quitter sur ce Kimiat. Très bien, on passe à la deuxième partie d'émission, Brisonnec temps matin. Deuxième partie d'émission, Brisonnec temps matin. Alors Henri va continuer sur le printemps des poètes et va nous parler de Simone Lemoigne. Oui, alors ce sera le dernier volet pour le printemps des poètes. J'ai un peu de retard parce que les autres ont fini, mais moi je me permets de continuer un peu plus longtemps. Oui, j'avais envie de parler de Simone Lemoigne parce que, bon, Simone Lemoigne, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup comme peintre. Hein, c'est quelqu'un qui a eu une carrière, on peut dire, de peintre fulgurante, hein, puisqu'elle a commencé à peindre à 60 ans. Elle est donc, elle est née en 1911, je veux dire, c'est pareil, à peu près la même époque. Et elle est morte donc en 2001 à 90 ans. Et elle a commencé à peindre à 60 ans. Et très rapidement, elle a été reconnue. Elle a fait des expositions. Enfin, c'est parce qu'on lui a demandé. Hein. Et elle est exposée dans plein de musées dans le monde, hein, même à Chicago, par exemple. Elle a connu une carrière de peintre assez fulgurante. Et on la classe dans les peintres naïfs. À mon avis, c'est pas un très bon terme. Enfin, bon, faute de mieux. Comme le douanier Rousseau, quoi. Voilà. Et donc, elle a, ses tableaux sont inspirés par son enfance. Hein. Elle est née à Magoire en Trégornant, dans la commune de Glomel, et donc elle a vécu jusqu'à son mariage en 1935. Et ses tableaux sont inspirés par sa vie de cette époque-là. Mais je vais pas parler plus longtemps de Simone Lemoigne peintre parce que là sinon j'en ai pour une heure, mais parce que c'est très passionnant comme sujet. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'elle a écrit des poèmes aussi, quoi. Et en particulier, quand elle faisait un tableau, elle écrivait un poème, deux poèmes en fait. Elle écrivait un poème en français et un poème en breton, qui ne sont pas la traduction l'un de l'autre. Hein. C'est une réécriture. Ça, c'est le même thème, mais c'est pas des traductions. Et donc, elle a fait une série de tableaux sur les sports et les jeux, les bonheurs de son enfance, comme elle appelle. Et à partir de 1980, elle a fait toute une série de tableaux. Il y en a une soixantaine. Et à chaque tableau, il y a un poème en français et un poème en breton. Et alors, ce qui est intéressant dans ces poèmes, c'est que c'est une poésie très fraîche, hein, très un petit peu. Je trouve que ça ressemble un peu à Angela Duval, mais c'est différent aussi, quoi. C'est très spontané. C'est de la poésie naïve. Ben ouais, mais ouais, c'est très spontané. Et puis avec souvent un petit refrain, un petit discant pour voilà. Donc alors moi je préfère bien sûr la version en breton, quoi. Ce qui n'est pas surprenant. Et donc je vais donner quelques exemples des poèmes qu'elle a fait. Par exemple, il y a un tableau donc qui est Zecha de Basiout, hein, c'est-à-dire la compétition de Basiout, hein, Zecha de Gontir, hein, sur le Basiout. Et elle dit par exemple, hein, sais-tu huari or botret vat? Sais-tu huari or botret vat? Ré de vos caves d'or blanc con mat, a givé or vasig douce, pétramon or vasiout, hein. Donc elle décrit un peu les conditions. Et on a souvent, dans le début du poème, une présentation du thème. Et puis après, des considérations. Par exemple, il y a aussi un tableau qui s'appelle Huari Mushigdal. Donc, Mushigdal, c'est Colin Maillard, hein. Voilà. Alors, un poème, par exemple, Jechan Waragordon, hein. Donc, sur le tir à la corde, hein. Et vite closer, or pardon you, vige great bubs or war you, or botred vat zo assembles, gonon toulet zechadek. Et vite on toulet zechadek. Donc voilà, elle dit que pour les pardons, hein, il y avait donc toutes sortes de jeux, et que les hommes se rassemblaient, par exemple, pour tirer à la corde. Hein. Alors, aussi, un autre poème, par exemple, alors c'est toujours des descriptions très précises, huari bouloukouat, c'est un genre de jeu pratiqué par les bergers, qui est une sorte de golf en fait. Hein. Il y a des trous comme au golf, et on tape sur des boules en bois avec un maillet. Hein. Donc elle décrit ce jeu, et alors le poème suit un peu ce qu'il y a sur le tableau, quoi. Voilà. Donc elle explique aussi que ces boules et ces marteaux étaient faits, hein. Pas non zvez you hear a guan, kishen un wallet, l'un ne don, hein. Donc, tout ça s'est fabriqué pendant les soirées d'hiver, devant alors là, elle dit, un wallet d'ad, hein, c'est-à-dire, le contenu de l'âtre, hein. On fait souvent ça en breton. Un wallet d'ad un don. Voilà. Alors, quelques autres, c'est par exemple, Landreist Gordon, hein. Ça, c'est le saut par-dessus la corde. Hein, c'est les filles qui jouent à la corde, hein, en fait. Landreist Stair aussi. Hein, donc, le saut par-dessus la rivière. Hein, on a tous fait ça quand on était gamin. Hein, des fois, avec un plus ou moins de bonheur. Moi, ça m'est arrivé une fois de prendre un bain comme ça. Donc, Zevele Berchen aussi. Hein, bon, des jeux classiques, hein. Huari Pilpot aussi, hein, donc Huari Pilpot, Pilpot c'est la toupie, hein. Or Pilpot Grenmat, Gand Quad Bins, Gand Mesat, hein, une petite toupie bien faite par mon père avec du bois de buis, hein, voilà. Un autre poème sur un aveleur paper, hein, c'est-à-dire l'éventail en papier. Donc elle a Donc finalement, elle passe comme ça tous les jeux de son enfance, quoi. Y compris, alors par exemple aussi, là, il y a un poème qui est consacré à la musique, ce qu'on appelle la musique verte aujourd'hui, hein. Donc les enfants qui jouaient donc avec une feuille, hein, et qui arrivaient à reproduire des sons. Hein. J'ai eu l'occasion de voir un jeune homme là, c'est l'herminier, hein, l'herminier, ouais, qui fait ça de façon... C'est remarquable. Remarquable, ouais. Voilà. Et ben, les enfants faisaient déjà ça, quoi. Il y a beaucoup, alors, il y a beaucoup de choses sur la danse aussi, hein. Elle dit, par exemple, qu'ils n'ont pas eu besoin d'apprendre à danser, que c'était la musique qui leur donnait des ailes. Donc, il n'était pas nécessaire d'apprendre à danser. Et j'ai retrouvé ça, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps des gens parler de ça, quoi, sur cette façon spontanée d'apprendre à danser, quoi. Parce que maintenant, on donne des cours de danse, mais à l'époque, les gens apprenaient comme ça. Hein, voilà, donc pour moi une poésie qui est très intéressante, quoi, et qui conviendrait bien, je pense, pour par exemple pour des enfants qui apprendraient le breton, je pense que ça conviendrait très bien, surtout avoir à la fois le tableau et la poésie. Alors il y a déjà des écoles qui ont travaillé là-dessus, hein. Ah oui. Il y a déjà des écoles qui ont travaillé là-dessus, quoi, mais je trouve que c'est en plus c'est quelqu'un du pays et puis qui a fait beaucoup de choses. Voilà. Alors, il y a trois tableaux de Simone Lemoyne dans l'église de Trégornan. Ah. Est-ce qu'il existe un recueil de ses poèmes? Oui. Il y a un livre, donc, avec justement cette série de tableaux et les poèmes correspondants, quoi. D'accord. Qui avait été publié dans les années 90, quoi. Voilà. Qu'on doit encore pouvoir trouver, quoi. Ben voilà, un petit tour sur Simone Lemoyne, poète ou poétesse, hein. Très bien, on passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonevé-Hervrault. C'est Thierry, Petra Zonevé-Hervrault. Ben, quel je droit vous donner vers vous, vous avez dit aux hommes. Ma personne vous commence cette velkise à costume gant là, bourdouar, à vu et war armès. De ce que gual belzo, ou abedli, de très gond de la arceda pas. Zé ou abégret, ben, langueux, ag, ou beau de cal je dut, puis dur, vraiment, zo cal je dut, ben, arceda pas. Puis ou a crog de arceda pas, ou un que mes seis. Mais leur seis breur, on tombe, hein. Au nom de André Pochon, hein, au rendez de mort, ag, regardez, non, drôdant. Ag, André Pochon, ou déjà rendez d'un via le pot de Melchon Gwen, hein, puis y'en de l'art, et puis sa mode, ou red, ne beta d'un thèmes, ag, dreistol un thèmes gon azote, a setu ou à mode, quand Melchon Gwen oriote, hein, ag, ou à lance ganzi, ag, bon, pèse-nous-grède, alors c'est d'appât, et classe rien chaud névé bénéfine, et vide, là, bourdouard, de la radée, la canne neptor dems, neptor louseille, classe bout emren bénéfine, hein, autonome, velardze, in galag, emren. Ag, bon, zézo, zo bid, de houls, peo a krog, de gand ar sedapa, ne vije ke chilo e kalz ar sedapa, gand ar penou bras, de ze lao bondou a revel just. Ah, vraiment, zo gweled, me mesra vije bi gwel ar chilo un tamp pez la arreign, pe dur, war kalz e boinche, ou virion le gante. Bon, setu, la ram d'ar sedapa, der mont waren tuse à derne la bourre d'un à chance voir de la rendez. Hendel bon comme ze vecals puis comme de ze l'arbre doua ve comme ze cals er marément de ze deux pack nevé puis dur bon au labour à ouais au neuf de mijo warzé ag bon nick esclair was en trop bon vote des bid quand le parlement de breu europa mais de bon cudé nous au rois de hood un peu sa mode vos graines ma vos icour mur réseau tiwal de ze de un endro et ma vos lac de or pack mur guir ma peu soin puis glace j'ai des pentes un peu ça mode vela ag d'assion chiolos ar e po de ra wardro az ba ba europa ne slar de vos presse un trou vid mus voen bon gwel vos pe sa mode vos con ma vos presse un trou ag ma treize un vos cudé nos rois Benan. Bon, Wardachen, l'arbre d'ouar, han de lusken vraiment, rat kom ze vaut de zib en arvegel, Wardachen, or politiker, bon, neuske kal ze dra de l'ar, marrément, gwelet ve, kudé, nou gane pen ou bras, ve, sklij, je dirais, ar justice, hag, bon, n'en que de gom ze se, mais on dra me mestra, gav, on se fait un tisoir, pv casse de peine ou bras, dit c'est directeur justice, là, en tout, on a une fiance, justice or vro, justice au bro, bénéfine, hein, j'ai confiance dans la justice de mon pays, à très haut sens, quoi. C'est au concho, y est squat, on tend, hag, mine la fin que c'est, mine muscle casse de fiance, hein, sur justice, bénéfine, plus dur, vidon mi, tiens ton rona, ferrer, dans une erreur de baie aux tropes d'avocats, au placement, dirait que justice, au potier d'une manusque d'air, estertant. Déjà, il y en a vingtaine, Jean de la Fontaine, l'art et Grigel, à ces mots, cria à rose sur le baudet, quoi. De la radie, un rose, voilà, que, quand plus de student trop, valoir herbit, échoué grand l'art, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ag, de me jonge, n'est que béchange, cas un trop, boué. Sais-tu, dis ce mon compte, bon, peu de, bon, non, que de l'art mieux, heureuse rouk de ze pénobras, hein, hudune dé. Bon, Hendel, wardache en économie, zara, ve clève de l'art, au berne brudé, reze ve grède, vie de, renverse réinternet, là, hein, e-converse ve l'art, hein, ag nevesso meus gwelet me mestra zo tud a zo commence de grand point zo kudé nou ganze pu dur pv pren de tro war an internet de dis ve pe d'un taillou l'erel c'est de la radé ve casse de bénéfice zezo casse un taillou l'erel a dreistol un dro de baris pu dur casé tout de staliou rai converse au va paris c'est une pv que pren de tro homme en bavro avec casse un taille ou les elles zezo harlu un taille pes velard une galac velard exode fiscal ag ma treize ne veut fait bim mort un d'une change à longtemps pes sa mode et gueleur prenne autre ou bavro vi monte prenne on elle elle grande roue date mais guiré ester peut dire veget calze vruderes ag un d'une de un dude rankin ganzi zo vegwelet vel tud war l'air il y a longtemps tu te dis en zériet bon me mestra vfb ma jean jalon tombe banafarze bon vraiment rentre de gombe zon tombe de ce steur présent que pewa fond jolande kambali ou abid de promette de vreton d'adorer le nez yezou guasque d'un temps, ou abid promette te vigebid de grède zine de carta, carta bro europa vide yezou guasque. Ag, bon, bremenzo, te le denafers, bah, mesquelinat, dur et tramne de vota dégou, pisso promette de vede en quait. Ag, ne vaut que zine bénéfine, carta, grande brouvrance. Ag, bromen, ve clève de, au neub de ce pénoubras, au larne, n'est que l'on dravate, Da skouir gant distorwar c'hoari ping-pong zo tre Jean-Jacques Urvoas banontu, bantu Clay hag Marc Le Fur bantu Derou, pe bantu Gwen, hag pepan ye gant melo di di sant ur benefin, mais gwellar vefe bel l'arte de l'ar n'enkevid ur mand bet bar modman je benefin vekas gant de Jacobinet. Hag man reiz ar l'ar de mi zo hont de vel, mi zo hont de skriv, mi zo hont me. Be zi, ne chan chou ke man bet. Hendel meus gwell ar Christian Troideg, ne zo hont de skriv o d'ur president de goulgant an mont de vel nan. War en trangze, bon ba chans war de la ramdan. Me greidan ke de kien koulz e febe dan o mont de glaske gordon de traienan vel l'ar en ur vech pedeg da zi. Hag just ba ma meus mar e oa gret ze zo be exarved o homite Théodule un dro de Riez ou Brovrans de houl ze zo collectif pour les langues de France puis conseil consultatif a traudi se ze tout d'un trau ze zo comité Théodule homite Théodule zo o ne batud non de lac assemblez de jonja la de scrive en trau a de trou a benefin a banontir ad beneket avant que l'en gande in bet an eus jir vijan ke de netra. A setu homite Théodule eus o bet de zave da ge gwell meus oa potiez pol molag ar bars a ge dis mozur bop de labour ad vimman. Me dis man kont. Bon hendel me meus tra ve gred trou kalz dud zo stourm breiz iderriez. Mais peso zouezus, hein, peve gwell, tout d'un dud zo labour ad vidoriez, breiz, benefin, un trou chan, nan ke warok, nan ke de, ne, storm se ne ke de fe du stambet. A peso zouezus, peve gwell, ad ba bro corsica, da skouir, appel gwell ar un trou vidoriez, pe dur, meuslen, ne ske gwell belzo, ba bro corsica, ne ske medon, o nan dregan de ze vugal, e an eurant ke tamp corse gbet baskoul. Hag breizom e hontrolrik zo daou dregan a ra brezandek. Hag gouskoud e sans dom ba mameuz republik bo ped bro Corsica. Hag ne gredan ke dra mu ar striv ou un dud ba bro Corsica vidoyez vive gredan me. Me or gud un benek zo. Bon, nan ke de la pelor me jon je me zwa na fin zame. Nan ke de la pelor ka rede diwal me mestra de spes velart hein. Surtout de banans en revraiment. Hendel zo bon zo trou a zo brau me mesra gwell un meus un DL ou un bet ba Melkarez vid kan ur bob la gar meus gwell et kal ze bugale o kan an hag ze zo plus justre hag bon dern hei de bondi hag vo klev el roaz bugale bugale a tudel hein. Tout cause, mais Vugal est plus chine qu'à bon zézo en mesure de zone riez bénéfine. C'est tu me scavet ou plus jadur ba bon non que bé ba cavan plus dur ou même zdé mais de cleve me zwa bra un trou ba cavan livé. Bon, c'est tu un temps de spéçonné et bavro ag ben végel vola roas.